c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. C'est l'histoire d'une alpiniste, Sophie Lavaux, qui a un peu plus de 40 ans, en 2012, a gravi son premier sommet de 8000 mètres dans la chaîne de l'Himalaya. Une réussite qui lui a donné envie d'en gravir d'autres. Cet objectif est devenu son obsession. 8 ans plus tard, Sophie Lavaux s'est transformée en serial grimpeuse. Déjà 11 sommets de plus de 8000 mètres à son actif. Rien que cet été, elle en a ajouté 3 nouveaux à son palmarès, dont l'Annapurna. Qu'est-ce qui pousse cet alpiniste à dépasser sans cesse ses limites et à affronter les dangers de la haute altitude? Comment se passent ces ascensions? Pour le savoir, François Damilano, autre grand nom de l'alpinisme, devenu aujourd'hui réalisateur, a décidé de suivre avec sa caméra Sophie Lavaux dans sa quête. Il a atteint avec elle le toit du monde en 2014. Son film « On va marcher sur l'Everest » retrace cette expédition. 2 ans plus tard, les deux alpinistes ont tenté ensemble l'ascension du K2. Mais cette fois, comme nous allons le voir, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Cet après-midi, Sophie Lavaux et François Damilano nous emmènent avec eux sur les plus hauts sommets du monde. Et en fin d'émission, nous retrouverons Éric Birloez, notre sociologue de l'alimentation, qui s'intéressera à l'origine des différents ingrédients de la ratatouille. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter. Alors, c'est comment ? Magnifique ! Glacial ! Oh, ferme alors ! Glacial, mais magnifique ! Il y a le vent qui s'est levé là, donc l'ambiance, ouais, elle s'est durcie. Et la nuit va être longue. Putain, quand il y a tout qui merde, le matelas qui sort, la lumière qui s'est éteinte. Là, je vais vous dire. Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et on est hyper motivé. On serait vachement mieux ailleurs. Oh putain, si ça fait ça toute la nuit. Psychologiquement, d'entendre de bruit, du vent comme ça, c'est affreux. Extrait de votre film « On a marché sur l'Everest », François Damilano. Une ascension que vous racontez aussi dans votre livre, Sophie Lavaux, « Une femme, 7 sommets, 10 secrets » aux éditions Favre. Alors, on l'entendait, hein, là vous étiez dans des conditions terribles, tous les deux sous votre tente, dans le vent, sur un versant de l'Everest. Vous décrivez un véritable enfer. À l'image, vous avez les yeux hagards, hein, vous avez vraiment, ça se lit sur vos visages que vous n'en pouvez plus. Quand vous entendez ça, c'est un bon souvenir ou c'est un cauchemar, très honnêtement, Sophie Lavaux? Oh, avec le recul, c'est un bon souvenir finalement. Ces moments-là peuvent être des bons souvenirs. Vous êtes d'accord, François Damilano? Ce sont des souvenirs gravés à jamais dans notre mémoire. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que ça souligne tout le paradoxe de nos échappées en très haute altitude. C'est à la fois ressentir le privilège de pouvoir passer dans des lieux où l'homme n'est pas adapté pour survivre. On ne peut que passer momentanément. Et puis en même temps, effectivement, c'est quand même l'expression de la trivialité, de la souffrance de ces lieux en très haute altitude. Alors il y a quelque chose dans ce son que l'on vient d'entendre que les auditeurs n'ont pas pu percevoir, c'est ce regard dont je parlais. Alors, j'espère ne pas vous faire offense, mais il y a comme une lueur un peu de folie dans votre regard quand vous êtes face à la caméra et que vous, avec un grand sourire, mais un peu halluciné, vous dites « on n'en peut plus, c'est l'enfer », mais on a l'impression d'une jubilation. Est-ce que vous êtes encore tout à fait vous-même quand vous êtes là-haut, François Damilano? C'est le monde de l'hypoxie, c'est-à-dire que le manque de pression atmosphérique fait que nos cellules, notre corps, n'est plus suffisamment alimenté en oxygène. Donc il y a tout un tas de mécanismes qui se met en place pour que le métabolisme réussisse quand même à fonctionner. Donc on est extrêmement lucide, mais en même temps on n'arrive pas à tirer tous les tiroirs du cerveau en même temps. Donc on arrive à se concentrer sur une tâche ou sur une pensée, mais effectivement le reste est un petit peu nébuleux tout autour. Vous êtes d'accord avec cette perception des choses? Plus tout à fait vous-même, tout en restant vous-même, Sophie Lavaux? Oui, c'est d'ailleurs le danger qui est lié à la très très haute altitude et c'est cette spécificité qui en fait une activité un peu extrême. Et la grande difficulté, c'est que finalement, on a l'impression que tout est normal. Et quand on se rend compte qu'on met 20 minutes pour enfiler ses chaussures, on se rend compte qu'il y a effectivement quelque chose qui est, entre guillemets, pas normal. Et c'est toute la complexité d'évoluer dans cet environnement d'hypoxie. Ouais, ouais, c'est ce manque d'oxygène qui ralentit un peu le fonctionnement du cerveau. Qu'est-ce que ça symbolisait pour vous d'aller au sommet de l'Everest, d'atteindre le toit du monde ? Ah ben, l'Everest, c'est de toute façon un symbole très très fort. C'est le point culminant de la planète. C'est. Mais qu'est-ce qu'on va chercher sur le point culminant de la planète ? Je sais pas si on va chercher quelque chose. Toujours est-il d'avoir les deux pieds sur le point justement culminant de la planète, ça reste un symbole très fort. Et l'émotion qui est ressentie, justement, est à la hauteur de ce point, on va dire ça comme ça. François Damilano, vous êtes un alpiniste renommé, hein, de longue date. Vous n'avez pas du tout le même parcours, on va y revenir, mais tous les deux, vous n'avez pas du tout le même parcours, François Damilano et Sophie Lavaux. Et l'Everest, finalement, alors que vous aviez fait plein d'autres choses, l'Everest ne faisait pas partie de vos rêves ou de vos objectifs. Oui, au départ, je raconte que c'était pas nécessairement une obsession, bien que, à un moment donné, je me trouve une excellente raison sociale et professionnelle quand même d'y aller. Ouais. Et il vous fallait un prétexte. Oui, il me fallait un peu un prétexte. Je me cachais derrière mon petit doigt, comme ouais. Beaucoup de sportifs. Mais pour répondre un petit peu à la question que vous posiez à Sophie tout à l'heure, l'Everest, c'est un désir d'absolu. Et on a tous des désirs d'absolu en nous. Alors évidemment, pour l'alpiniste, la plus haute montagne du monde, on comprend bien ce que ça représente, mais je pense que c'est au-delà de ça. Et à un moment donné, de toucher du doigt comme ça quelque chose de très fantasmatique, je pense que c'est important dans un parcours, et dans un parcours d'alpiniste et de sportif en particulier. Oui. Alors, vous avez, vous, dans votre parcours de sportif, François Damilano, popularisé la cascade de glace. C'est une discipline dans le domaine de l'escalade, c'est dans les années 80-90, c'est une discipline assez engagée pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est la cascade de glace ? C'est une forme de pratique de la montagne hivernale qui consiste à remonter les cascades qui gèlent pour quelques semaines ou quelques jours, pour les plus éphémères d'entre elles, au milieu de l'hiver. Donc on imagine bien ces paysages de montagne avec toutes les cascades d'eau qui rebondissent sur les falaises et qui sont des lieux extrêmement esthétiques. Mais à un moment donné, au cœur de l'hiver, ces cascades d'eau se transforment en cathédrales de glace éphémères. Et un certain nombre de grimpeurs se sont amusés à essayer de les remonter. Donc ça donne des escalades extrêmement acrobatiques. Ouais, et périlleuses, hein, parce que c'est une paroi qui est en évolution, en mouvement. En fait, elles font, alors pas à la vitesse de la journée, mais enfin quand même, ce sont des parois éphémères. Oui, c'est une escalade à contre-courant, c'est une escalade sur une matière qui va disparaître. Et finalement, si on joue un petit peu avec les mots et les concepts, ça ramène, je trouve, l'alpinisme à sa véritable dimension. C'est-à-dire que quand on est dans l'acte de grimper, c'est évidemment la chose la plus importante au monde au moment où on est en train de grimper, puisqu'il ne faut pas chuter, il faut essayer de progresser. Puis en même temps, le fait que ces parois qui ont demandé beaucoup d'efforts pour les gravir disparaissent, je trouve que ça replace l'alpinisme à sa véritable dimension. C'est très important pour nous, et en même temps, c'est rien du tout sur Terre. Alors vous, par contre, Sophie Lavaux, vous êtes quand même d'une famille qui aimait la montagne, avec un père chasseur alpin, une mère aussi qui a fait des treks jusqu'à 70 ans. Mais la très haute montagne, c'est arrivé sur le tard. Je le disais, j'espère ne pas vous avoir offensé, mais votre premier sommet à plus de 8000 mètres, vous aviez plus de 40 ans lorsque vous l'avez atteint. Comment se fait-il que vous ayez pris ce virus de la haute montagne si tardivement ? Oh, c'est de loin pas arrivé du jour au lendemain. En fait, c'est un long chemin. C'est quand même effectivement beaucoup de vacances et tout. On a évolué beaucoup en montagne. Et puis petit à petit, j'ai découvert l'alpinisme. Après tout le monde du trekking, de la marche, de la randonnée, etc. qu'on faisait en famille. Et là, très vite. Donc je dis souvent, c'est un Mont Blanc en 2004 et un Everest en 2014. Oui. Donc il y a 10 ans vraiment de progression. Et c'est vrai que la haute altitude, d'une façon générale, m'a très vite intéressée. Et donc les Alpes, assez vite, n'ont pas plus suffi dans l'idée de progresser, parce que le Mont Blanc, on est déjà sur le point culminant des Alpes. Hein. Et donc c'est vraiment un chemin après 5000 mètres, 6000 mètres, 7000 mètres, etc. Mm-hmm. Puis là, on arrive à la barre donc fatidique des 8000. Alors le premier 8000, c'était ? C'était en 2012, donc le Chichapangma. Ouais. Et moi, je disais à l'époque, j'ai envie d'aller flirter avec le 8000, ouais. Mais sans savoir du tout. Et au contraire, je pensais que c'était vraiment réservé à ce qu'on va dire les professionnels. Et j'ai dit, tant pis, on va tenter. Et alors, sur ce premier sommet que vous avez tenté et vous avez réussi à atteindre ce sommet d'un tout petit peu plus de 8000 mètres, vous avez rencontré, c'est là que s'est fait la rencontre avec François Damilano. Ouais. Et vous, François Damilano, vous vous dites, cette alpiniste, elle a quelque chose de différent, elle n'est pas dans le sérail. J'ai trouvé intéressant, effectivement, lors de ma rencontre avec Sophie sur les flancs du Chichapangma, ces personnages qui sont pas issus du milieu des performeurs de l'alpinisme, qui sont pas des professionnels, mais qui, à un moment donné, font de leur vie ce grand rêve d'aller grimper ces très hauts sommets. Et du coup, on est francophone, donc dans les camps de base, on se croise un petit peu. Donc Sophie est venue nous voir sur le camp de base où j'étais avec mes clients, et puis on sympathise. Et puis voilà, je regardais ça un petit peu d'un pas de côté. Et puis Sophie, pour sa première incursion à très haute altitude, elle réussit donc son premier 8000. Quelques jours plus tard, elle réussit son second 8000. J'ai trouvé ça à la fois assez étonnant et puis presque ça ébranle en moi le grimpeur en me disant tiens, comment ça se fait que ces gens qui arrivent un peu de nulle part, excuse-moi Sophie, mais voilà, qui n'arrivent pas de notre milieu, ouais. Tout d'un coup, hop, arrive. Il y a des grimpeurs, ils mettent des années avant de réussir leur premier 8000. Donc effectivement, son personnage m'a interloqué et du coup, j'ai braqué ma caméra sur elle un peu plus tard. Oui, un peu plus tard, en 2014, vous décidez cette fois de partir tous les deux pour aller gravir l'Everest. C'est une première pour tous les deux. Quand on n'est pas de la partie, il faut nous raconter comment ça se passe. Ça se prépare comment une ascension de l'Everest ? Sophie Laveau. Alors effectivement, moi je suis venue à Chamonix revoir François et c'est moi qui lui ai présenté donc le projet que j'avais d'aller à l'Everest. Et c'est vrai que même à l'époque, moi je savais pas non plus vraiment qui était François, quelle était donc cette personne très connue du milieu, parce que effectivement j'en faisais pas partie. Et quand j'ai compris et que François m'a proposé de venir avec moi pour faire un film, du coup vous dites oui, avec grand plaisir. Alors ça, c'est comment on prépare un film et comment on prépare l'ascension, François Damilano. Moi je suis alpiniste, je suis guide d'haute montagne, donc j'ai tendance à répondre que mon quotidien c'est de grimper et c'est d'être en altitude, donc ma difficulté, mon challenge ne se situe pas là. Ouais. Moi ma préparation c'était la caméra, c'était les problèmes de batterie, c'était de savoir comment psychologiquement j'allais gérer mon ascension de manière à la fois à réussir à suivre Sophie le plus haut possible et au sommet dans la mesure où on allait aller au sommet, mais surtout de capter des images, de capter du son. Donc à un moment donné, en fait, mon obsession c'est ma caméra, essayer de faire de l'image. L'ascension, pour moi, n'est pas secondaire, bien évidemment, mais elle est presque au second plan. Moi, il faut absolument que je pense au film et que je ne pense qu'au film. Alors, ça a donné un beau film avec des véritables sensations que vous partagez. Ça s'est très bien passé, ça s'est bien déroulé. Vous atteignez ce sommet de l'Everest. Alors, on comprend mieux, en regardant le film, pourquoi on voit de plus en plus ces images où on voit des touristes qui, en file indienne, attendent pour arriver au sommet. C'est pas qu'ils sont en continu sur ce sommet, c'est que les fenêtres de tir pour l'atteindre sont particulièrement réduites, François Damilano. Oui, il faut comprendre que les possibilités d'atteindre des hauts sommets comme celui de l'Everest ne sont constituées que quelques journées par saison, pour les meilleures saisons. Et qu'aujourd'hui, grâce à la fiabilité des prévisions météorologiques, ça permet aux grimpeurs, au camp de base ou dans les camps d'altitude, d'ajuster justement son sommet de plus le jour du sommet qu'il va tenter. Du coup, on a à peu près tous les mêmes prévisions, donc du coup tous les grimpeurs se retrouvent à tenter le sommet la même nuit ou le même jour. C'est pour ça qu'on voit ces images un peu spectaculaires aujourd'hui, En plus, il y a eu un développement effectivement du guidage sur le sommet de l'Everest. Et c'est pour ça qu'on voit ces images un peu impressionnantes sur le sommet de l'Everest. Alors ça prend, quand on prend le temps de l'acclimatation, les allers-retours entre les différents camps de base, c'est 2 mois l'ascension de l'Everest. Quand on arrive enfin en haut, Sophie Laveau, déjà, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ressent? Alors nous, il faut préciser dans le contexte, on a fait l'Everest donc en 2014 et qui est l'année où il y a eu une chute de sérac sur la face sud, donc sur le versant népalais, alors que nous étions sur le versant tibétain, donc en côté chinois, en face nord. Et le gouvernement népalais avait décidé donc de fermer la montagne. Il y a eu un grave accident, il y a eu 16 Sherpas qui sont décédés sur la face sud. Donc on a eu un sommet, on va dire, paradoxalement extraordinaire, parce que quand nous sommes arrivés au sommet, la face sud était totalement vierge, donc il y avait personne. Et du coup, on était tout seul en haut. Mmh. Et je pense que c'est. Et qu'est-ce que vous avez ressenti alors en haut? Oh, j'ai jamais trouvé les mots pour décrire ce qu'on ressent là-haut, entre l'hypoxie, la souffrance, la joie, tout ça se mêle, les pleurs, les joies. Enfin, c'est amusant parce que vous vous donnez un mal de chien pour monter en haut de ces sommets, et quand on vous demande qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous allez chercher là-haut, les mots vous manquent. Bah oui, c'est comme ça. François Damilano, volé à mais François, secours. Il parle beaucoup, donc tu vas trouver les mots. Je suis bavard, je suis vraiment désolé. Non, mais c'est aussi l'une de nos difficultés en tant que réalisateur, ou vous en tant que journaliste, c'est de faire s'exprimer ces sportifs de haut niveau, qui sont extrêmement concentrés sur leurs ascensions pour ce qui est de l'alpinisme et de l'himalayisme. Et Sophie fait partie de ces personnages, comme ça, presque un peu, comment je dirais, c'est pas formaté, mais c'est très concentré. Et du coup, effectivement, il y a relativement peu de place pour laisser s'exprimer des émotions. Parce que je pense que si les émotions s'exprimaient par trop, elles envahiraient certainement les personnages et prendraient le pas sur l'efficience. Donc Sophie est comme ça quelqu'un de très concentré, de très efficiente. L'Everest est le plus haut sommet du monde, mais le deuxième plus haut, le K2, intéresse aussi, si ce n'est plus, les grands alpinistes. Vous allez nous y emmener dans un instant. Bye. say. C'était Hansen, Yungchen Lamo sur France Inter, le temps d'un bivouac. Imaginez une montagne parfaite, une pyramide de pierre et de glace, raide et élancée. Une montagne cachée, isolée aux confins du Pakistan et de la Chine, là où les frontières ne sont que glace, roc et altitude. Imaginez une montagne invisible aux yeux des hommes. Malgré sa hauteur, elle se dérobe au regard de la civilisation. On ne peut l'apercevoir d'aucune route, d'aucun village. Le second sommet de la Terre ne se dévoile à l'alpiniste qu'après 10 longues journées de pistes, de chemins poussiéreux et de moraines interminables. Nous avons quitté la petite ville de Skardu, capitale régionale du Balistan. Nous avons traversé le fleuve Indus, celui qui assure l'alimentation en eau potable d'une grande partie des 190 millions de Pakistanais. La piste s'enfonce maintenant dans les montagnes de la chaîne du Karakoram. Piste chaotique, régulièrement dévastée par les éboulements et les débordements de torrents. Ainsi commence votre film K2, une journée particulière, François Damilano. Alors c'est un sommet qui se fait attendre, hein, le K2, on l'aperçoit au dernier moment. Il a une place particulière dans le cœur des alpinistes et dans leur imaginaire. Oui, au-delà d'être le second plus haut sommet de la Terre, je raconte dans le film qu'en 2016, quand nous avons tenté son ascension, il y avait plus d'hommes qui étaient allés dans l'espace, dans la station internationale orbitale, qu'au sommet du K2. Ça ramène bien l'échelle de cette montagne et la difficulté que de gravir cette montagne. C'est incroyable, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont allés au sommet de l'Everest que d'alpinistes qui sont allés au sommet du K2. Bien évidemment, le sommet de l'Everest est paradoxalement plus facile à gravir et aujourd'hui on doit être à peu près à 8000 personnes qui ont réussi à atteindre la cime. Alors sur 7 milliards d'humains, ça fait pas non plus des masses absolument délirantes. Ouais. Alors que le K2, ce sont quelques dizaines de personnes. Quelques dizaines de personnes seulement. Qu'est-ce qui fait la difficulté pour atteindre ce sommet-là, qui est un petit peu moins haut que l'Everest, pourtant? Le K2 est une montagne pyramidale extrêmement raide. Ça veut dire que techniquement, il est plus difficile d'en gravir ses flancs. Il est compliqué d'en installer les camps d'altitude. Et en plus, la région où se trouve le K2, au fin fond du Baltoro, au nord Pakistan, est une région météorologique assez compliquée. La montagne est isolée et donc reçoit les jet streams, ces courants d'air qui tournent autour de la Terre de plein fouet, et les changements de temps sont absolument brutaux et phénoménaux. Et alors, Sophie Laveau, quand en 2016, vous approchez au terme de ce long parcours, parce que déjà arriver au pied de cette montagne, on l'a compris, c'est déjà une aventure en soi, quand vous le voyez se dessiner devant vous, cette montagne pyramidale, qu'est-ce qu'on ressent? On a de l'impatience, de l'appréhension, de la concentration? On ressent, c'est un peu un mélange de tout ça, en fait... Surtout un peu la trouille finalement, et c'est vrai que moi quand en 2016 quand on a préparé cette expédition, je disais pas que j'allais au K2, je disais que j'allais au Pakistan, mais je disais pas que j'assumais pas d'aller au K2 au finalement, et j'ai beaucoup travaillé, je me suis entraînée, j'étais un peu inquiète d'aller sur ce sommet, et une fois qu'on y était, et le fait d'être aussi avec François, c'était à la fois rassurant et on avait déjà travaillé ensemble, donc après on se focalise sur l'ascension et le sommet et finalement ça se passe pas trop mal. Alors une ascension particulièrement éprouvante, on s'en doute, et un François Damilano, alors vous disiez un soutien, parfois un soutien un peu pesant. Je me tirerai de là. Mets-toi sur ton jumard et respire pour l'instant. Prends-toi sur ton jumard, Sophie. Voilà, tranquille. Tu sais comment ça s'appelle, où on est? La cheminée. La cheminée quoi? Je sais pas. C'est mieux de pas connaître l'histoire de la montagne? Là, si tu veux, je m'en fous un peu, là. Tu vois? Tu sais ce qui s'est passé ici? Non. Tu sais qui c'est qui a fait le premier et le passage? Non. Sophie Lavaux. C'est vraiment un soutien dans ces moments-là où on dirait qu'il fait tout pour vous pousser à bout dans cette cheminée où vous êtes déjà à bout de force. Oui, mais je le connais, François, donc c'est ça qu'il aime. Donc il lui faut les réponses qu'il aime bien aussi. Vous allez un peu la chercher, François, dans ces moments difficiles, au lieu de la laisser tranquille. Oui, au cas d'eux, je suis allé chercher Sophie. À l'Everest, j'ai pris Sophie telle qu'elle voulait bien se montrer. Au cas 2, j'ai décidé de changer un peu ma position de réalisateur pour suivre un fil un petit peu différent. Donc je suis allé titiller Sophie en permanence, en particulier sur ses motivations. Ouais. Donc effectivement, dans des moments de difficulté, de fatigue, c'est là qu'on peut aller recueillir de l'émotion et de ne pas se contenter du langage qu'on veut bien nous servir. C'est mon boulot de réalisateur d'aller la chercher. Mais c'est vrai que ça donne une couleur toute particulière à vos films, assez différente finalement des films traditionnels d'expédition. Alors, on ne sait pas aussi si c'est le manque d'oxygène, mais vous vous autorisez beaucoup de questions un peu rentre-dedans, sur elle, des fois quelques vannes sous la tente, mais tu trouveras jamais de mari. Enfin, on a l'impression que vous essayez un peu de la faire sortir de ses gonds, de sa carapace. Oui, j'essaie de la faire sortir du personnage qu'elle veut bien juste nous donner à voir, mais comme on a tous un personnage qu'on donne à voir. Et moi, ce qui m'intéresse à travers ce travail de réalisateur, c'est l'homme, c'est la femme en l'occurrence. La montagne est un grand décor et c'est un décor surdimensionné. Tout est trop en Himalaya. Ouais. Mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est la réaction de l'humain qui essaye d'aller se fondre dans ce décor. Et vous, Sophie Lavaux, quel intérêt vous aviez à être filmé pendant cette ascension ? Ben, d'avoir un film déjà. Mais alors François, on se connaît bien, donc on avait déjà l'expérience ensemble de l'Everest. C'est vrai qu'avoir une caméra braquée sur soi pendant 2 mois, oui, ça rajoute une certaine dimension, ça rajoute un peu de stress. Ça rajoute une certaine pression aussi, parce que forcément pour ces moments d'ascension, il y a des moments où on est à bout de force, il y a des moments où on doute, il y a des moments où on n'a pas envie de se livrer à une caméra. Oui, ben je l'ai renvoyé, j'ai envoyé bouler de temps en temps quand même. Hein. Ouais. Mais de nouveau, François, c'est important de bien se connaître et globalement, même s'il y a des fois des questions un peu intrusives, ça reste très bienveillant. Donc ça reste des super aventures qu'on partage sur ces grandes montagnes. Alors ce K2, ça va être une aventure, mais alors une aventure que vous n'aviez pas prévue. Puisque vous allez assister à une avalanche qui va venir perturber votre ascension, qui va même y mettre un terme momentanément. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, François Damilano ? En fait, nous étions au moment de l'assaut final de la montagne, après avoir préparé, s'être acclimaté pendant un mois et demi au pied du K2. Et nous avions enfin ce créneau de beau temps tant attendu. Et on remontait les camps les uns après les autres pour tenter le sommet. On avait fait un dépôt de matériel au dernier camp, au pied des couloirs terminaux du K2. Donc on avait notre matériel de très haute altitude qui nous attendait un peu plus haut. Et lors d'une nuit au camp 1, on a été bloqué par du très mauvais temps. Et le matin, quand enfin le ciel s'est dégagé, on se préparait, on était dans la tente au petit déjeuner. Et là, on a entendu un grondement énorme que l'on connaît bien, que l'on reconnaît bien. Et en fait, c'est une avalanche qui était partie depuis quasiment le haut des flancs du K2 et qui balayait tous les prons des Abruzzes et qui venait sur nous de manière terrorisante. Alors, ce qui a englouti le camp 3 auquel vous aviez laissé vos affaires. Et vous avez été touché en partie. Alors, fort heureusement, nous n'avons été touchés que par le souffle, puisque notre petit abri de toile était sur un éperon qui a séparé cette avalanche en deux, donc nous avons eu que le souffle, mais malheureusement, le camp supérieur a été balayé, donc nous avons perdu tout notre matériel. Ce qui était positif dans tout ça, c'est qu'aucune victime n'a été à déplorer sur les flancs de la montagne. À une journée près, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique, ouais. Mais par contre, l'ascension pour nous était terminée. Ouais, le rêve d'ascension s'est envolé ce jour-là. Alors, il n'y a pas de mort, vous le soulignez, mais il n'y a plus de matériel nécessaire sous la tente. Et donc, c'est la déception. Et elle a embarqué le dépôt et tout le camp 3. Il n'y a plus de tente, il n'y a plus rien, il n'y a plus de matos. Presque 10 carrés. On va devoir interrompre. C'est mort. T'as tout ça pour ça, là. Hein? Tout ça pour ça. Fais chier, quoi. Ça paraît dément. C'est juste le truc qui arrive jamais, quoi. C'est une erreur d'avoir laissé les affaires de la nuit du sommet au camp 3 ou c'était logique? Non, c'est pas une erreur. Mais non, on a fait un dépôt, donc c'est normal que ce soit là-haut. Mais moi, je ne peux ni me geler les doigts, ni me geler les pieds, donc comme j'ai rien, ben, j'y vais pas. Mais bon, on a frôlé la catastrophe, donc c'est bien. Il n'y a pas de mort, il n'y a rien. Ils n'étaient pas là-haut hier soir. Donc c'est ça le plus important. C'est que du matos, c'est rien. Les larmes de Sophie Laveau, c'est dur d'avoir à renoncer quand tout son objectif pendant ces deux mois, c'était d'atteindre ce sommet. On sent toute votre déception à ce moment-là de devoir renoncer. Oui, et surtout, c'est qu'en fait, c'est pas un renoncement dû à genre une incapacité physique ou quelque chose qui fait. C'est vraiment un facteur bloquant et qui est très soudain et oui, qui nous empêche de continuer alors qu'on a dédié toutes ces semaines et toute son énergie à tenter d'atteindre ce sommet. Ce qui frappe, c'est que même si vous le dites, on a l'impression que vous n'êtes pas si soulagé que ça d'être en vie. Vous êtes dévasté de ne pas pouvoir y aller sur ce sommet. C'est assez frappant, cette volonté qui est arrêtée malgré vous. On a l'impression qu'il n'y avait que ça vraiment qui comptait, c'était d'atteindre ce sommet. Ah bah c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est à chaque fois dans ces ce qu'on appelle donc ces summit push, hein, les derniers jours avant d'atteindre le sommet, il y a effectivement que ça qui compte parce qu'on est là pour ça et on est vraiment et effectivement même si on a frôlé cette catastrophe, c'est ce sentiment d'échec qui reste. François Damilano, alors vous, votre première idée quand vous êtes redescendu, c'est de vous dire que, bon, au-delà du fait que vous aviez échappé à cette avalanche, et ça c'était plutôt une bonne nouvelle, c'est de vous dire que votre film, vous n'aviez pas la matière pour le faire, puisque vous vouliez filmer l'ascension du K2 et que vous n'y étiez pas arrivé. En fait, ce que vous avez rapporté avec votre caméra, c'est bien plus précieux. On voit toute cette détermination, on voit les éléments et comment y faire face. C'est beaucoup plus beau finalement ce film avec cette avalanche qui vient perturber le cours des choses. Merci de dire ça, mais sur le moment, je ne le vis absolument pas comme ça. Et moi, je vis une double frustration. Je vis la frustration de l'alpiniste, malgré tout, parce que moi aussi, j'ai envie d'atteindre la cime du K2. Et puis, je suis désespéré en tant que réalisateur, parce que j'ai complètement perdu le sujet de mon film. Et en plus, sur ce film-là, j'avais décidé de ne filmer que le summit push. Ces 24 dernières heures, cette espèce de huis clos avec la très haute altitude, où justement les femmes et les hommes qui tentent ces ascensions sont dans un monde hypoxique très particulier. Et là, je n'atteins même pas ce que j'avais imaginé être le point de départ de mon film. Donc tout ce que j'ai filmé, c'était pour montrer ça, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et puis rentrer en France, ben, on se met derrière l'ordinateur et puis on reprend sa feuille, si j'ose dire. Et puis il faut réécrire. Et effectivement, j'ai essayé de raconter cette espèce de croisement entre le destin et le hasard et puis la dichotomie du cerveau des alpinistes qui est un peu incompréhensible pour les gens d'en bas. On a failli mourir. Mais en fait, nous, ce qui nous frustre, c'est de ne pas pouvoir continuer l'ascension et d'essayer un petit peu d'exprimer ça. Oui, et ce film l'exprime très bien. D'ailleurs, il a été couronné par plusieurs prix lors de sa diffusion dans les festivals. Mais ce n'était que partie remise à cette histoire de K2. Vous y êtes retourné, bien sûr, Sophie Laveau. Suite de nos aventures en haute altitude, le temps d'un bivouac, avec Sophie Laveau et François Damilano sur les plus hauts sommets du monde. Like my heart, pylon rates he fills. 1917, c'était The God, The Bad and The Queen sur France Inter. Ça y est, j'ai encore un. Bon, bah c'est raide, cette grande montagne. Raide. Et on va encore en baver. Je le sens. T'aimes ça en baver, Sophie? Écoute, si je pouvais en passer un petit peu, là, ça serait pas mal d'en baver un peu moins. Mais on est là pour ça. Et on va tout faire pour. Oui, mais si t'as choisi de revenir, oui, c'est que t'aimes ça. Finalement, je crois, ouais, c'est un petit peu maso, finalement. Un petit peu maso, nous dit Sophie Laveau sur les flancs du K2. On ne peut pas s'empêcher de le penser en vous voyant tous les deux souffrir. Et puis, on se dit, François Damilano, vous qui aimez filmer tout ça, alors c'est que vous êtes un peu sadique aussi, c'est ça que vous allez chercher aussi dans l'œil de votre caméra, la souffrance? Je cherche pas la souffrance, mais ça fait partie intégrante de l'alpinisme et de l'himalayisme, et j'essaye de le montrer, j'essaye de ne pas enfermer l'image uniquement dans la performance et le spectaculaire. C'est ça mon obsession. Et d'ailleurs, dans votre parcours, s'est opéré un glissement. Vous étiez, on l'a dit, ce pionnier de la cascade de glace, cette nouvelle discipline. Maintenant, vous êtes un observateur. Alors, vous êtes un observateur acteur et engagé, parce qu'il faut les suivre, ces alpinistes, mais on sent que ce qui vous intéresse, c'est au fond, qu'est-ce qui les fait grimper, ces alpinistes? Pourquoi font-ils ça? Oui, parce que c'est la question qu'on a toujours posée aux alpinistes, que je me pose à moi-même. Et finalement, en filmant les himalayistes, en filmant les autres, je vais chercher des éléments de réponse que j'ai en moi-même ou que je n'ai pas en moi-même. Ce n'est qu'un travail de miroir. Alors, qu'est-ce que vous avez compris des motivations qui poussent ces hommes et ces femmes à s'attaquer au plus haut sommet du monde? Vous allez nous le dire, mais d'abord, écoutons à ce sujet Jean-Michel Asselin, qui est alpiniste, écrivain, et puis Christine Janin, la première Française à avoir gravi l'Everest. Quand j'ai eu ce désir d'Everest, j'ai eu cette espèce de réflexe de penser que si j'allais au sommet de l'Everest, j'allais être meilleur, j'allais être plus grand, j'allais être plus fort, j'allais être plus intelligent. Et les gens disent ça. Quand ils vont à l'Everest, ils se disent « mais je vais changer, ma vie va changer ». Alors, il y a une part de fantasme, parce qu'en fait, on ne change pas vraiment. Mais il y a une part de réalité qui est que quand on a réussi ce genre de challenge, on éprouve une joie intime, ce qu'on appelle le bonheur. On s'admire quand on fait l'Everest. On n'y va pas par hasard. J'ai mis du temps après à le comprendre, ce qui m'a permis aussi de réatterrir. On n'y va pas pour vous, pour la télé, etc., ni pour les autres. On y va parce qu'on a quelque chose de personnel à se prouver, à se montrer, par rapport bien sûr à une recherche. Et là j'ai compris un peu après du père. Moi j'avais 4 frères, j'ai jamais été vue vraiment comme une fille. Il fallait vraiment à ce moment-là que je montre que j'existais, et je montrais en montant très très haut. Mais si on ne sait pas redescendre, je crois que malheureusement j'aurais pu continuer à chercher et à toujours pas être vue par celui qui était important. Et donc à ce moment-là, ça peut être la mort aussi derrière, quoi. On s'admire quand on fait l'Everest, on cherche une reconnaissance dans l'œil de ses proches, peut-être de son père. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, Sophie Lavaux? Qu'est-ce que vous avez compris de ce qui vous fait grimper? Vous avez à votre actif 11 sommets de plus de 8000 mètres. Vous espérez en faire 14, les 14 sommets de plus de 8000 mètres qui existent sur la planète. Ça ferait de vous la première Française et même le premier Français à faire cette prouesse. Qu'est-ce que vous allez chercher? De nouveau, c'est une bonne question. Non, en fait, c'est pas. Alors, je sais pas un besoin de reconnaissance. Je vais pas chercher quelque chose en particulier là-haut. J'aime ces aventures. J'aime la vie au camp de base. J'aime escalader ces grands sommets. Plus dans un esprit effectivement d'aventure que de performance ou de challenge. Et puis, je pense que, en tout cas la mienne, je pense que j'ai une mémoire qui est bien foutue parce que finalement ça efface. Après chaque sommet, quand je reviens, je dis toujours que c'est le dernier qui est le plus dur. Et puis finalement, la mémoire efface beaucoup de ces souffrances et comme chaque ascension est unique, on peut aller 10 fois au Mont Blanc, ce sera à chaque fois une aventure et une ascension différente. Et au poignet, vous avez ces bracelets. Chacun symbolise l'une de ces ascensions. Vous avez pu en rajouter 3 avec le printemps et l'été qui viennent de s'écouler puisque vous avez gravi 3 nouveaux sommets, dont l'Annapurna. Il est où le bracelet de l'Annapurna? Alors voilà. C'est celui-là, celui de l'Annapurna, celui du Kanchenjunga, et puis le dernier, là, au Pakistan, donc le Gachabrom 1. Tous ces bracelets qui symbolisent toutes ces ascensions. Vous, François Damilano, qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il... Parce que quand Sophie Lavaux nous dit « ce n'est pas le challenge, c'est pas la prouesse », on a du mal à le croire, il y a quand même une envie de se dépasser, de... Mais peut-être que lorsque les alpinistes ou les himalayistes ont trouvé cette réponse de pourquoi ils vont sur ces six au sommet, ils arrêtent d'y aller. C'est une des réponses. Alors Christine Janin et Jean-Michel Asselin nous apportent des éléments analytiques qui alimentent la motivation des himalayistes. Et je crois qu'en fait, il y a toute une palette de motivations différentes et finalement je pense qu'on a tous les mêmes, si ce n'est que les curseurs sont pas placés en fonction des individus à la même hauteur, si je puis dire. Donc il y a évidemment une dimension esthétique pure, ce sont des montagnes qui vous foudroient de beauté. Il y a évidemment une dimension sportive dans l'effort physique, dans le challenge. Il y a évidemment des ressorts intérieurs qui se jouent et puis après ces curseurs, ils sont différents selon chacun. Merci à tous les deux, Sophie Lavaux et François Damilano. Sophie Lavaux, je rappelle le titre de votre livre, Une femme, 7 sommets, 10 secrets aux éditions Phare. Alors on peut déjà en rajouter 4 autres à ces sommets. Le titre du livre est déjà dépassé. François Damilano, une biographie faite sur vous, les 7 vies de François Damilano par Cédric Sapin-Defours aux éditions Paulsen. Où est-ce qu'on peut voir vos films rapidement? Il y a des festivals où ils vont être projetés prochainement? Alors les films tournent en festival. Le film du cas de tourne sur la chaîne Voyage et puis on le trouve sur le site de Nomade Productions. Très bien. On mettra tout ça en lien sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Dans un instant, nous retrouvons Eric Birloez pour partir sur la piste de plusieurs aliments qui ont fait du chemin pour arriver dans la recette de la ratatouille. On fait claquer la porte du saloon. Les figurants aux yeux noirs se retournent. Un silence pesant règne dans la salle. Nonchalant, impassible, on s'installe. À la fenêtre, le spectacle commence. Au loin, la poussière d'une diligence. De cow-boys mal rasés, le regard louche. L'arme au poing pour ne pas rater le coche. Sont embusqués de part et d'autre du chemin. Ça va péter, va y avoir du sang sur les mains. Toi, t'as la tienne sur mon revolver. Je ne tiens plus, mon pouce s'accélère. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Au passage du convoi très convoité, les deux brigands cinglés font siffler leurs balles. Contre ma cuisse, mon colt est chargé. Tu me regardes et les chevaux s'emballent. Le lourd chariot se renverse sur le côté. Les bagages, les passagers ventrés Les assassins enfin s'emparent du pognon. Tu me retiens par le bout du canon. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Au soleil couchant s'enfuit les malfrats. Générique, et la salle s'illumine. Les spectateurs sortent sonner du cinéma. Toi t'as la main dans la poche de mon jean. C'était Western Heroes de Abel Chéret sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Djoubaka. Regardez, des ignames, des papayes, des taros. Mais ce type est un jardin de richesse vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de tubercule. Je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivé. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carotte? Oh, c'est surprenant. Bonjour Éric Birloise. Bonjour Daniel. Vous êtes ingénieur agronome et sociologue de l'alimentation et tout l'été, chaque semaine, vous nous emmenez sur les routes d'un aliment qui a voyagé pour arriver dans nos assiettes. Au menu aujourd'hui? Eh bien, après avoir évoqué tout au long de l'été différents aliments grands voyageurs, je souhaitais pour cette dernière chronique vous parler d'un plat. Alors Daniel, si je vous dis aubergine, courgette, tomate, poivron, oignon, ail, huile d'olive, herbes aromatiques, vous pensez à... Alors je salive et je pense à la ratatouille. Oui, c'est le plat provençal par excellence, le plat méditerranéen. Mais attention, ce plat est constitué d'aliments et d'ingrédients qui, pour la plupart, ne sont pas nés sur les rives de la Grande Bleue. Ils viennent de beaucoup plus loin et ils ont donc accompli un très long voyage avant d'arriver dans nos assiettes, bien plus que le temps d'un simple bivouac. La ratatouille, c'est en quelque sorte un concentré de la mondialisation de l'alimentation. Un mets dont les composants ont des origines géographiques aussi lointaines que variées. Mais la ratatouille elle-même, en tant que spécialité culinaire, est bien provençale quand même, non? Oui, absolument. Elle est née sous le soleil de Provence, dans le comté de Nice. D'ailleurs, son nom ratatouille vient de l'occitan ratatoya, avec, étymologiquement, un lien avec le verbe touiller, remuer pour mélanger. Le mot ratatouille, il apparaît pour la première fois en 1778. À l'époque, il désigne un ragoût ou un mets grossièrement cuisiné. Dès le début du 19e siècle, les militaires connaissent ce plat sous son abréviation argotique, le rata. Mais c'est un mélange peu ragoûtant de haricots secs et de pommes de terre. En 1846 encore, le dictionnaire provençal français de Monsieur Honorat comporte le mot ratatouille. Le terme est défini comme, je cite, « une soupe pour les rats ». Son étymologie, selon l'auteur, est « un mauvais ragoût fait avec la rate des animaux ». Vous voyez, les rats, la rate, c'est pas très appétissant. Non, pas franchement. Et il faut attendre plus d'un siècle, l'année 1952 précisément, pour enfin voir apparaître la toute première recette de ratatouille telle que nous la connaissons. Alors passons rapidement en revue les ingrédients de notre ratatouille et le long voyage qu'ils ont fait depuis leur berceau. C'est un peu un feu d'artifice pour la dernière. Oui, commençons par l'aubergine. Alors le mot lui-même déjà a beaucoup voyagé. Il est issu du catalan albergina, qui vient de l'arabe, tout comme les mots abricot, artichaut, épinard, estragon, qui eux aussi viennent de l'arabe. Mais le terme arabe pour l'aubergine, al-bedenjena, est lui-même d'origine persane. Et il se trouve que le mot persan est apparenté à un mot sanskrit. Mm-hmm. Vous me suivez toujours, Daniel? Oui, oui. Eh bien, tout ça pour vous dire que l'aubergine a d'abord été domestiquée en Inde, plus largement en Asie du Sud-Est, il y a 3000 ans. Mais ceci dit, les espèces sauvages les plus anciennes d'aubergine étaient, elles, originaires de la partie est de l'Afrique. Et ce sont les Arabes qui, au IXe siècle, ont apporté dans le bassin méditerranéen l'espèce qui était cultivée en Asie. Mais l'aubergine ne sera introduite dans le sud de la France que beaucoup plus tard, à partir du XVIIe siècle seulement, en provenance d'Italie ou d'Espagne. À l'époque, on la considère comme une plante dangereuse. On la réserve donc à un usage ornemental, comme la tomate. Il faut attendre le XIXe siècle pour que l'aubergine commence à être timidement consommée dans notre pays. Et dans la ratatouille, il y a aussi les tomates, les courgettes et les poivrons. Oui, ces légumes-fruits sont tous trois d'origine américaine, ce qui explique que la ratatouille n'aurait pas pu exister avant la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492. Alors, j'ai déjà évoqué la tomate dans une chronique précédente. Parlons de la courgette, qui n'est pas autre chose qu'un type de courge cueillie avant maturité. Et ce sont les Italiens qui, les premiers, sont parvenus à sélectionner les types de courgettes que nous mangeons aujourd'hui. Les Français, eux, en consomment des courgettes depuis très peu de temps. Et le poivron, quant à lui, est issu des piments, mais des piments que les hommes ont sélectionnés pour faire disparaître leur saveur brûlante. Et l'huile d'olive, alors ? On pressait des olives il y a déjà 6000 ans au Liban actuel et sur l'île de Chypre. L'huile d'olive est donc originaire de la Méditerranée, mais de la Méditerranée orientale. Ce sont les colons grecs de Phocée, une ville située sur la côte de l'actuelle Turquie, qui nous l'ont fait connaître. Ces Phocéens, en fondant la ville de Marseille en 600 avant Jésus-Christ, auraient enseigné aux autochtones la culture de l'olivier, en même temps d'ailleurs qu'ils l'auront appris à cultiver la vigne. Au moins les herbes de Provence avec lesquelles nous parfumons la ratatouille sont bien provençales, non ? Elles le sont rarement en réalité. Aujourd'hui, 90% de ces herbes dites de Provence proviennent du Maroc, de Turquie, d'Albanie et surtout de Pologne, qui est le premier producteur mondial de thym. Herbe de Provence est une appellation d'origine, hélas, non protégée. Depuis 2003, il existe malgré tout un label rouge qui permet aux consommateurs exigeants d'acheter un mélange bien précis d'herbes de qualité, toutes récoltées dans le sud de la France. Et on termine avec une recette de ratatouille, j'imagine ? Oui, alors il existe de très nombreuses recettes et aussi de nombreuses variantes locales de la ratatouille, comme par exemple la bohémienne ou le tian, tous deux provençaux. On peut également citer la piperade basque, avec des piments verts doux et de la poudre de piment d'Espelette un peu plus relevée. Et il y a aussi, c'est la recette que j'ai choisi de mettre sur le site de l'émission, la délicieuse caponata sicilienne. C'est une ratatouille aigre-douce, dans laquelle l'acidité est apportée par le vinaigre, les câpres et le sucré, dans cette version que j'ai mis sur le site, par des fruits, des raisins secs, des morceaux de pommes, de poires. C'est surprenant et délicieux le soir au bivouac autour du feu. Vous m'avez mis en appétit. Merci Éric Birlouet. Je rappelle le titre de votre tout dernier ouvrage, Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale. Il est publié aux éditions Ouest France. Un grand merci à vous Éric de nous avoir régalé avec vos odyssées gustatives tout l'été. Merci Daniel. La routine. Demain, nous nous intéresserons aux Gaulois. Nous verrons ce que nous disent d'eux les dernières découvertes archéologiques. Et à 17h, le marin journaliste Bernard Rubinstein viendra partager avec nous sa passion pour la mer et la navigation. À demain donc pour de nouvelles aventures.